La baisse dans les WC, j'écoute Didi Trix et la fille m'a mis dans ses mix. Quoi, tu veux pour qui? Ta copine a semé tes doigts, bla la coquine. Y'a quoi, tu veux pour qui? Ta copine a semé tes doigts, bla la coquine. Bibi tous les jours, baby faut des sous, les poches remplies de trous, la haine me rend fou. J'suis dans la soude, dap, clap, clap, clap. J'suis dans la soude, dap, clap, clap, clap. Chute dans la soute, clap, clap, clap. Chute dans la soute, clap, clap, clap. Elle s'y pète dans la pute, elle dans sa chérie, elle n'a pas. Belle équipe, à la bille à la base. Fais-moi plus mignon sur la pique, ça veut mon sexe. Pris la main dans sac, j'en ai marre d'être à sexe. Elle s'y pète dans la pute, elle dans sa chérie, elle n'a pas. Belle équipe, à la bille à la base. Fais-moi plus mignon sur la pique, ça veut mon sexe. Pris la main dans sac, j'en ai marre d'être à sexe. Baby tous les jours, baby faut des sous. Baby tous les jours, baby faut des sous.